qu'elle provient de loin, j'espère que vous aurez ma lettre. J'aurais souhaité rester discrète devant tant de mal-être, mais je ne peux pas ne pas réagir. Oui, je me dois d'agir. Ce que je fais est interdit, mais c'est une règle bien fragile. Face à la force du besoin de vous voir à nouveau joyeux, le rire de mes enfants est juste le plus beau des joyaux. Je ne peux plus vous regarder, ainsi vous détruire. Le retour de votre sourire est au fond mon seul désir. Que le Seigneur me pardonne, c'est un cas d'urgence. Il peut me punir s'il le souhaite, je me fous des contingences. Contrairement à ce qu'on pense, il sait faire preuve d'indulgence. Il a plus important à faire sur terre en ce moment. Je sais que vous aimeriez tous que je rentre enfin, mais le passé, vous le savez, comme les saisons est inchangeable. La naissance et la mort, tout ça n'est qu'une histoire sans fin. Mais la vie est un présent qui n'est pas échangeable. C'est un cadeau inestimable, donc pourquoi le gaspillez-vous? Nous avons droit de pleurer tant qu'il reste de l'espoir. Mais vous en restez-il? Si ce n'est pas le cas, réveillez-vous et allez enfin de l'avant. Vivez à fond, faites-le pour moi. Votre souffrance est la mienne, je ne vous ai pas abandonné. J'ai reçu tellement d'amour, je continue de vous en donner. Mais je ressens votre douleur et je souffre le martyr. Car votre peine est à son comble depuis que je suis parti. Je ne vous oublie pas, je suis tout près de vous. Je serai toujours là, peu importe où je me trouve. Et je reste fort, malgré votre tristesse. Quand les larmes vous emportent, moi, ça me blesse. Le temps passe depuis mon départ et je sens que tout se dégrade. Ça met son père se sépare et s'éloigne sans s'en rendre compte. J'ai presque du mal à y croire, boire pour oublier, c'est très grave. Quand tes enfants ont besoin de toi, toi tu dois rendre des comptes. Bon, ressaisis-toi et cesse de te comporter en lâche. Tu n'as pas le droit au découragement, ta fille sent quand elle t'enlace. Que tu as mal, que tu es mal et elle en souffre à son âge. C'est anormal de devoir se faire du souci pour son père. Ne les oublie pas et sois présent pour eux. Que ferait-il sans toi? C'est bien assez douloureux. Donc reste fort, malgré votre tristesse. Quand les larmes vous emportent, moi, ça me blesse. Voilà, tout est dit, désormais je compte sur toi. Donc ne me déçois pas, ça m'a tant besoin de toi. Et tu manques à ta fille, ses larmes brûlent le cœur. Te voir lui mentir ainsi, je t'avoue que ça m'écœure. J'espère que cette lettre pourra enfin soigner tes plaies. Que tu es plus sombre ainsi me paraît presque irréel. Tu es mon unique espoir de pouvoir reposer en paix. Tu es en train de rêver, c'est vrai, mais ce message est réel.